Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons voir l'explication du fondement de l'islam et son principe par Abdelrahman ibn Hassan al-Shir. Source Dora la Saniya, volume 2, page 202. Sa parole. Le fondement de la religion et son principe sont deux choses. La première, l'ordre d'adorer Allah seul, sans associé, y exhorter les gens, s'allier à eux dans cela, et juger mécréant celui qui l'abandonne. Je dis, et les preuves de cela dans le Coran sont trop nombreuses pour être énumérées. Comme la parole d'Allah dit, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. » Sourate 3, verset 64. Allah a ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'inviter les gens du livre à adhérer au sens de la phrase « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah » à laquelle il invita les Arabes et autres. Cette parole, c'est « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah ». Il expliqua alors en disant que nous n'adorions qu'Allah. Lorsqu'il dit que nous n'adorions, cela correspond à « Il n'y a de vraie divinité ». Et cela dénie l'adoration vouée à un autre qu'Allah. Quant à sa parole, si ce n'est Allah, il s'agit de l'exception de la parole du pur monothéisme. Allah a donc ordonné à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'exhorter les gens à n'adorer que lui seul, et de renier la validité de l'adoration de tout autre que lui. Ces genres de versets sont nombreux, et ils démontrent que la déification est l'adoration, et qu'elle ne vaut pour rien ni personne d'autre qu'Allah. Allah a dit, « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. » Sourate 17, verset 23. Et le sens de décréter signifie ordonner et prescrit. Ce sont deux mots qui ont une même signification. Lorsqu'il dit que vous n'adoriez, cela correspond à « il n'y a de vraie divinité ». Et lorsqu'il dit que lui, cela correspond à si ce n'est Allah. Ceci est l'unicité d'Allah dans le droit au culte, et c'est le message de tous les prophètes. Ils dirent à leur peuple, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Sourate 23, verset 32. Il faut impérativement renier et désavouer le shirk dans le culte à sa racine, ainsi que celui qui le commet. C'est ce que dit Allah de son ami proche Ibrahim, alayhi salam. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, « Je désavoue ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car il va me guider. » Sourate 43, versets 26-27. Il faut absolument désavouer l'adoration vouée aux objets de culte, en dehors d'Allah. Allah dit également au sujet d'Ibrahim, « Je m'écarte de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. » Sourate 19, verset 48. Il est donc obligatoire de s'écarter du shirk et de ceux qui le commettent, et les désavouer tous les deux. C'est clairement exprimé dans sa parole. Certes, vous avez mis un bel exemple à suivre, en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Sourate 60, verset 4. Et ceux qui étaient avec lui sont les messagers, comme le mentionne Ibn Jarir. Ce verset inclut tous ceux qu'a mentionné notre shir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Exhorter au tawahid et renier le shirk, s'allier aux monothéistes, et jugez mécréant celui qui commet le shirk, car il invalide le monothéisme. Celui qui fait le shirk abandonne le tawahid, car ces deux choses sont deux opposés qui ne peuvent se rejoindre. Dès que le shirk apparaît, le tawahid disparaît. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de celui qui fait du shirk, et il a attribué à Allah des rivaux pour égarer de son sentier. Dit, jouis de ta mécréance un court moment, tu es certes parmi les gens du feu. Sourate 39, verset 8. Allah le jugea mécréant, à cause qu'il lui a attribué des égaux, qui sont des associés dans l'adoration. Et il y a beaucoup de versets de ce genre. Un homme ne sera pas monothéiste tant qu'il n'aura pas renié et désavoué le shirk, et jugé mécréant celui qui le commet. Puis il dit. Et la deuxième, avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah, faire preuve de sévérité dans cela, témoigner son désaccord à ceux qui s'y opposent, et juger mécréant celui qui s'en rend coupable. Le tawhid ne se valide pas sans cela. Et c'est la religion des prophètes. Ils ont averti leur peuple contre le shirk, comme le dit Allah, et nous vous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire « Adorez Allah et écartez-vous du taghout ». Sourate 16, verset 36. Et la parole d'Allah, « Et nous n'avons envoyé avant toi de messager sans que nous lui révélions qu'il n'y a de vraie divinité que moi. Adorez-moi donc ». Sourate 21, verset 25. Et la parole d'Allah, « Et rappelle-toi le frère d'Ehad, quand il avertit son peuple à El-Ahkaf. » Alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés en disant « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Sourate 46, verset 21. lorsqu'il dit, dans l'adoration d'Allah, l'adoration d'Allah est tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole, et acte, et intérieur ou extérieur. Lorsqu'il dit, pour faire preuve de sévérité à ce sujet, c'est ce que l'on constate dans le Coran et la Sunna. Allah a dit, fuyez donc auprès d'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Sourate 51, verset 50-51. S'il n'y avait pas eu cette sévérité, alors ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons de Quraysh n'auraient subi ces terribles oppressions, comme c'est mentionné dans le détail dans la Sira. S'ils subirent cela, c'est pour avoir insulté la religion des idolâtres et méprisé leur faux dieu. Et lorsqu'il dit « témoigner son désaccord à ceux qui s'y opposent », c'est mentionné dans la parole d'Allah « Tuez les mouchriquines où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. » Sourate 9, verset 5. Et les versets dans ce sens sont très nombreux, comme dans la parole d'Allah « Et combattez jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna, et que la religion soit entièrement pour Allah. » Sourate 8, verset 39. Et la fitna, c'est le shirk. Allah a qualifié de mécréants les mouchriquines dans d'innombrables versets. Il est donc obligatoire de les juger mécréants. C'est ce qu'exige le témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, la parole du pur monothéisme. Le sens de cette parole ne peut s'accomplir sans considérer mécréant celui qui attribue à Allah un associé dans son adoration, comme mentionné dans le hadith authentique. Quiconque témoigne qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et désavoue ceux qui adorent en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés, et son sort est auprès d'Allah, rapporté par Muslim. Lorsqu'il dit « et désavoue ceux qui adorent en dehors d'Allah », ceci appuie l'idée du reniement. Son sang et ses biens ne seront protégés qu'avec cela. S'il doute ou hésite, son sang et ses biens ne seront pas protégés. Ces choses sont l'accomplissement du monothéisme, car le témoignage « il n'y a de divinité qu'Allah » fut lié dans les hadiths aux termes tels que la science, la pureté, la sincérité, la certitude et l'absence de doute. Un homme ne peut être monothéiste sans avoir réuni toutes ces choses, en être convaincu, l'accepter, l'aimer, pratiquer l'alliance et le désaveu en lui. C'est en réunissant tout ce que notre shir a mentionné que la foi se réalise. Puis le shir dit, et ceux qui s'opposent à cela sont de plusieurs catégories. Et la pire d'entre elles est celui qui s'y oppose totalement, en acceptant le shirk et en le prenant comme conviction religieuse, et en blâmant le tawahid et en étant convaincu de sa nullité. C'est le cas de la majorité, et la cause de cela est qu'ils ignorent ce qu'enseignent le Coran et la Sunna sur la connaissance du tawahid et ce qui l'annule, le shirk, les faux dieux, le suivi des passions et traditions, des ancêtres. Leur cas est le même que ceux d'avant eux, les ennemis des prophètes. Ils accusèrent les monothéistes de mensonges, de faux témoignages, de diffamation et de débauche. Et leur seul argument est « c'est ainsi que nous voyons nos ancêtres faire ». Sourate 26, verset 74. Cette catégorie de gens, et ceux qui vinrent après, ont invalidé l'enseignement de la parole du monothéisme pur, et la raison pour laquelle elle fut instaurée, et la religion qu'elle renferme, qui est la seule religion acceptée par Allah, la religion de l'islam, pour laquelle Allah envoya tous ses messagers et prophètes, et qui fut le prêche de chacun d'eux. C'est une chose évidente dans les récits qu'Allah nous fit à leur sujet. Ensuite il dit, « Il y a des gens qui adorent Allah uniquement, mais ne condamnent pas le shirk, et ne montrent pas de désaccord à ceux qui le commettent. » Je dis, « Il est connu que celui qui ne condamne pas le shirk ne connaît pas le tawahid et ne le réalise pas. Tu as appris que le tawahid ne se réalise qu'en reniant le shirk et en désavouant le tarout, comme mentionné dans le verset. » Puis il dit, et il y en a qui leur montrent du désaccord, mais ne les jugent pas mécréants. Et cette catégorie n'a également pas accompli le témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Le reniement du shirk exige de juger mécréants, selon l'unanimité des savants. C'est ce que renferme la sourate Al-Ikhlas, et le verset dit « Ô vous les mécréants !» Sourate 109, verset 1. Ainsi que dans le verset d'Al-Mumtahana, « Nous vous désavons. » Et celui qui ne juge pas mécréant celui que le Coran a jugé mécréant, il contredit l'enseignement des prophètes. Le monothéisme est ce qu'il exige. Puis il dit, et il y en a qui n'aiment pas le tawahid, mais ne détestent pas non plus. La réponse à cela est que celui qui n'aime pas le tawahid n'est pas monothéiste, car c'est la religion qu'Allah a agréée pour ses serviteurs. Comme Allah le dit, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Sourate 5, verset 3. S'il était satisfait de ce qu'Allah agrée et le mettait en pratique, il l'aimerait. Et l'amour est impératif, car sans lui l'islam n'existe pas. Pas d'islam sans l'amour du tawahid. Le Shir ibn Taymiyyah a dit « La pureté du culte, c'est l'amour d'Allah et le désir de contempler son visage. Quiconque aime Allah aimera sa religion, sinon non. Et il découle de l'amour, le témoignage du monothéisme pur, et cela fait partie des conditions du tawahid. » Fin de citation. Puis il dit « Et il y en a qui ne détestent pas le shirk, mais ne l'aiment pas non plus. Je dis, celui qui est comme ça n'a pas renié ce que renie le témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, le shirk. Il n'a pas non plus désavoué ni mécru en ce qui est pris comme objet de culte en dehors d'Allah. Celui-là n'est absolument pas musulman, et son sang et ses biens ne sont pas sacrés, comme l'enseigne le hadith cité auparavant. Puis il dit, et il y en a qui ne connaissent pas le shirk et ne le condamnent pas, et donc ne le renient pas. Je dis, celui qui ne connaît pas le shirk, ne le condamne pas et ne le renie pas, n'est pas monothéiste, tant qu'il n'aura pas renié et désavoué le shirk, ainsi que ceux qui le commettent et mécru en eux. En ignorant le shirk, on ne peut accomplir ce qu'indique le témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et quiconque ne s'acquitte pas du sens de cette parole et de ce qu'elle inclut n'est en rien dans l'islam, car il n'a pas réalisé cette parole et ce qu'elle inclut comme connaissance, certitude, sincérité, pureté, amour, acceptation et soumission. Or, cette catégorie ne réalise aucune de ces choses. Et si une telle personne prononce « il n'y a de vraie divinité qu'Allah », eh bien, il n'en connaît pas le sens, ni ce qu'elle renferme. Puis il dit « il y en a qui ne connaissent pas le tawhid, mais ne le renient pas non plus. » Je dis « celui-là est comme le précédent. Ils ne connaissent pas la chose pour laquelle ils ont été créés, la religion pour laquelle Allah envoya ses messagers, et Allah dit à leur sujet « ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. » Sourate 25, verset 44. Puis il dit « et il y en a, et c'est la plus dangereuse des catégories, qui pratiquent le tawhid mais ne connaissent pas sa valeur, et ne détestent pas celui qui l'abandonne et ne juge pas mécréant. » Lorsqu'il dit « et c'est la plus dangereuse catégorie », c'est parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il pratique et n'accomplit pas ce qui valide son monothéisme. Les restrictions qui lui sont liées, qui doivent absolument être concrétisées. Car tu as appris que le tawhid exige de renier le shirk et de le désavouer, et de montrer son désaccord envers les mouchrikounes et de les juger mécréants, lorsque la preuve est établie. On se fait des illusions sur une telle personne, alors qu'il n'a pas accompli ce qui lui est obligatoire. L'enseignement que renferme cette parole de monothéisme pur, renier l'adoration des faux dieux et affirmer l'adoration d'Allah. De même lorsqu'il dit « il y en a qui abandonnent le shirk et le détestent, mais ne connaissent pas sa gravité ». Celui-là est plus proche du monothéisme que celui d'avant, mais il ne connaît pas la gravité du shirk. S'il l'avait connu, il ferait ce que lui enseignent les versets clairs, comme la parole de Ibrahim « je m'écarte de vous et de ce que vous adorez » et « nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul ». Il faut que celui qui connaît le shirk et l'abandonne pratique également l'alliance et le désaveu envers les faux dieux et leurs serviteurs, et la haine du shirk et de ses pratiquants, et leur montre son désaccord. Et ces deux dernières catégories sont majoritaires chez beaucoup de gens qui prétendent à l'islam. Certains en arrivent à un degré d'ignorance de la réalité de cette parole qui les empêche de réaliser la parole du monothéisme pur, et ce qu'elle exige de faire pour être monothéiste. Et combien sont nombreux ceux qui ignorent et qui se font des illusions sur ce qu'est réellement la religion. Après avoir pris connaissance de cela, tu sauras qu'Allah a témoigné de la mécréance des polythéistes et les a décrits de cette manière dans les versets clairs, lorsqu'il dit dans sa parole « il n'appartient pas aux mouchriquins de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu, ils demeureront éternellement. » Sourate 9, verset 17. Et également dans la Sunna, il y a des références à cela. Shir el-Islam dit « les monothéistes sunnites approuvent les messagers dans ce qu'ils informent, obéissent à leurs ordres, préservent ce qu'ils disent, les comprennent et le pratiquent, et renient la falsification des extrémistes, la profession des égarés et l'interprétation des ignorants. Ils combattent ceux qui s'opposent à eux afin de se rapprocher d'Allah, en demandant la récompense à Allah et non à eux. Les ignorants et extrémistes, eux, ne font pas de différence entre ce que les messagers ont ordonné et ce qu'ils ont interdit, ni entre ce qui est authentique à leur sujet, et ce qui leur a été mensongèrement attribué, et ils ne comprennent pas ce qu'ils ont voulu dire. Ils ne ressentent pas leur obéissance, mais ils ignorent leur enseignement et vénèrent leur désir. » Je dis, la citation d'Ibn Taymiyyah décrit le cas de ces deux dernières catégories. Il reste encore un thème à aborder qu'a évoqué Ibn Taymiyyah. Il s'agit de ne pas directement donner le statut de mécréant à une personne précise, pour une raison qu'il mentionna, et qui le força à s'abstenir de donner le statut du mécréant, tant que la preuve n'a pas été établie. Il dit « et nous savons fatalement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais légalisé à qui que ce soit d'invoquer un mort, ni un prophète, ni un saint, ni qui que ce soit pour lui demander le secours ou quoi que ce soit d'autre. De même, il n'a jamais légalisé à sa communauté de se prosterner pour les morts, ni vers les morts, et les choses de ce genre. Nous savons au contraire qu'il a interdit toutes ces choses, et que ceci n'est autre que le shirk qu'Allah a interdit, ainsi que son messager. Cela dit, à cause de la domination de l'ignorance et de la faiblesse de la science des récits prophétiques chez beaucoup de contemporains, nous ne pouvons leur donner le statut du mécréant pour cela, tant qu'on ne lui a pas expliqué l'enseignement du prophète. Il a donc rappelé qu'Allah lui fasse miséricorde, ce qui le força à ne pas se prononcer quant à donner le statut de mécréant sur des personnes précises, tant que l'explication ne leur a pas été faite, puis qu'il s'obstine. Il se retrouva seul sur cette voie, car les savants de son époque le jugèrent mécréant pour avoir interdit de donner des associés à Allah dans l'adoration. Il ne pouvait donc agir envers eux de la même manière. C'est ce qui est arrivé à notre shir Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, au début de son prêche. Il les a entendus invoquer Zayd ibn al-Khattab. Alors il leur dit, Allah est mieux que Zayd, pour les exercer à renier le shirk avec des paroles douces, en prenant en considération ce qui irait à l'avantage du prêche, pour ne pas les faire fuir. Et Allah sait mieux, et qu'Allah salue notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons.